Kikit, kikit. Hey, DJ Cash Cool. Cash Cool. Quarantaine 2020. What a struggle. Comment réussir sa vie dans la lumière de la langue du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. De Bible, au level. Quand tu vas passer ta chance, ta vie, tu sais pourquoi. Oui, il faut que tu l'accueilles. Struggle. Comment réussir sa vie dans la lumière de la langue du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. De Bible, au level. Quand tu vas passer ta chance, ta vie, tu sais pourquoi. Oui, il faut que tu l'accueilles. Stoppé, opé. Faut que tu sois, que tu y crois. Sinon, tu vas sauter. Mais pas de côté. La fois, tu dois doter. Garde pas écopé. De bad vibes, de bad vibes. Comme on manque, t'es opé. Garde le point levé, tu sais pas défendre tes idées. On t'a un idéal, tu feras tout pour y arriver. Que tu sais rester humble, agir avec humilité. Celui qui fait le mal aux yeux de Dieu. Ah, what a struggle. Comment réussir sa vie dans la lumière, dans l'âme du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. De rebel, oh rebel. Quand tu vas passer ta chance, chance, chance, chance. Vise comme tu respires, air pure atmosphère. Les grandes gueules même sous la masse, pas facile de les faire taire. Venu de plus 18, t'as retenu la suite. Remonte au front, tu sais les carottes. Le son qui a pris la recette pour le big reset. Qui a fait le double avec ou sans fossette. Tu sais, catapulté comme le vaccin. Traction directe où la vérité est absente. GMA et GPA sont vaccés. Oh, qui a mis de l'eau dans son absinthe. L'oubli de l'écho sonne comme un écho. Un appel à la paix venu d'un démago. Le mec toujours synchro, t'es bientôt en promenade. Ça est déjà sur la map monde. Ça y est, ce n'est qu'un texte de plus sur un cahier. Où la feuille volante banalisée. Oh, c'est l'énergie, tu sais qu'il faut toujours canaliser. Faut big up les youths, pas les mépriser. What a struggle. Comment réussir sa vie dans la lumière, dans l'âme du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. Terrible, oh evil. Quand tu vas passer ta chance, t'as mis, tu sais pourquoi. Oui, il faut que tu l'accueilles. Struggle. Comment réussir sa vie dans la lumière, dans l'âme du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. Terrible, oh evil. Quand tu vas passer ta chance, t'as mis, tu sais pourquoi. Oui, il faut que tu l'accueilles. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires. Vise comme tu respires, air pur, atmosphère. Les grandes gueules, même sous un masque, pas facile de les faire taire. Le 8 de plus 18, t'as retenu la suite. Remonte ton front, car les carottes le sont. Les carottes le sont. Les carottes le sont. Les carottes le sont. Tous, tous, dis-moi que veulent-ils tous. Ils nous appellent à l'aide et puis après ils nous repoussent. Pourquoi donc, dis-moi, ils agissent ainsi. Pourquoi donc ils n'ont pas réagi. Ils annoncent des choses pour qu'on s'oppose. Hey, ils coupent la porte avant qu'elle ne repousse. Je dis dangereuse, la coupe qu'ils épousent. Et en plus ils auraient voulu qu'on s'excuse. Comment réussir sa vie dans la lumière, dans la langue du devil. Travail quotidien pour ce travail de longue haleine. De rebel, oh rebel. Quand tu vas passer ta chance, t'as mis, tu sais pourquoi. Oui, il faut que tu l'accueilles. Struggle.